Section 44 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 10, 4e partie. Jusqu'à la paix de Lodi. 1454, par Pietro Orsi. Milan, puissance des Visconti. Dans presque toutes les villes de la Lombardie, de la Vénétie et de l'Émilie, s'étaient fondées des seigneuries. Plusieurs d'entre elles n'eurent qu'une existence éphémère. Les plus fortes écrasèrent les plus faibles. Peu à peu, se fit tout un travail de concentration autour des premières, et de cette évolution naquirent de grands états. Toutes ces familles de tyrans avaient à lutter même dans leur capitale. Elles y étaient jalousées par d'autres familles puissantes qui avaient aussi aspiré à la tyrannie, mais avaient été prévenues dans leurs desseins. Naturellement, celles-ci ourdissaient contre le tyran des complots qui, le plus souvent, n'avaient d'autre résultat que de le rendre plus despotique et de lui faire inventer de nouveaux supplices. En général, le tyran n'était pas cruel pour le peuple, mais seulement pour les grands. Ainsi, la majorité des habitants vivaient tranquille, contente de commercer en sécurité, pleine d'admiration pour les splendides monuments que bâtissait le maître et pour les magnificences de sa cour. Parmi les familles seigneuriales d'Italie, celle qui devint la plus puissante et la plus magnifique fut celle des Visconti. Habiles politiques, ils surent tenir tête aux ennemis intérieurs et aux différentes ligues qui au dehors s'étaient organisés contre eux. Ils encouragèrent en même temps l'industrie, les lettres et les arts. Vers la moitié du XIVe siècle, l'autorité des Visconti avait augmenté sous le gouvernement de l'archevêque Jean Visconti, qui avait même réussi à enlever Bologne au Saint-Siège et à se faire acclamer seigneur de Gênes. Ces deux villes ne restèrent pas longtemps aux Visconti. Même leur domaine lombard se partagea entre les deux frères, Barnabo et Galeas, les deux plus odieux tyrans de ce temps. Cependant, Froissart, Chaucer et Pétrarque se rencontrèrent à leur cour. Ce même Galeas II, qui sut inventer le carême, 40 jours consacrés alternativement l'un aux tortures, l'autre au repos de la victime, est aussi le fondateur de l'université de Pavie. Jean Galeas, duc de Milan. Galeas II mourut en 1378. Son fils, Jean Galeas, âgé de 25 ans, hérita de ses domaines. Son ambition était immense, son astuce et sa méchanceté aussi grandes. D'abord, il feignit un caractère timide pour ne pas exciter la jalousie de son oncle, Barnabo, qui gouvernait le reste de la Lombardie. Il vécut avec lui en bon accord plusieurs années, puis, en trahison, il le fit arrêter et renfermer dans un château, où il le fit tuer en le déclarant vir diabolicus, 1385. Il devint ainsi maître absolu de tous les domaines des Visconti, qu'il accrut encore en soldant les meilleurs condottieri de cette époque, Jacques d'Alverne, Facino Cane et Alberic de Barbiano. Avec l'aide des Carrara de Padoue, il détruisit la domination des Scalieri à Vérone et à Vicence. Puis, allié aux Vénitiens, il enleva Padoue aux Carrara. Mais ces derniers reprirent de nouveau cette ville peu de temps après. Il intimida les Gonzagues de Mantoue, les Est de Ferrare, le marquis de Montferrat, et vit sa puissance reconnue par la plus grande partie de l'Italie septentrionale. En 1395, il se fit donner par l'empereur Venceslav le titre de duc de Milan. C'était faire légitimer sa souveraineté. Aucune puissance en Lombardie ne semblait en état de lutter contre le duc de Milan. Mais ses desseins ambitieux allaient plus loin. Évidemment, il aspirait à dominer toute la péninsule. Après avoir résisté à une ligue qui s'était formée contre lui, il pénétra dans l'Italie centrale et assujettit Bologne, Pise, Sienne, Lucque, Pérouse, Assise, Spoleto. Il s'apprêtait à prendre Florence pour y ceindre la couronne de roi d'Italie lorsque la mort arrêta ses succès. Il avait à peine 50 ans. 1402. Ces États furent bientôt démembrés. Le pape reprit Bologne, Pérouse et Assise. Florence s'empara de Pise, qui disparut ainsi de la scène politique. Les Vénitiens occupèrent les domaines des Scaligeri, Vérone et Vicence, auxquels ils unirent Padoue en faisant massacrer la famille des Carrara. Enfin, dans quelques villes, les familles seigneuriales qui avaient été dépossédées par Jean Galéas reconquirent leurs droits. Les deux fils du duc Jean Galéas virent leurs possessions réduites à Milan et Pavie. Ladislas, roi de Naples. Pendant que l'œuvre d'unification tentée par Jean Galéas tombait en ruine, un autre prince, au midi de la péninsule, songeait à réunir une grande partie de l'Italie sous sa domination. C'était Ladislas, fils de Charles de Duras. Il était encore enfant lorsque son père, qui était allé prendre possession du trône de Hongrie, y était mort assassiné, 1386. Le parti des Anjou, toujours vivace dans le royaume de Naples, avait profité de cette occasion pour allumer la guerre civile en soutenant Louis II, fils de Louis Ier. Mais lorsque Ladislas fut en âge de régner, il montra une telle finesse d'esprit et une si grande aptitude à dissimuler qu'il ne tarda pas à chasser son rival. Alors, il éleva son esprit à de plus hauts desseins. Profitant habilement du schisme qui affligeait l'Église, il envahit l'État pontifical et prit Rome, retombée en pleine anarchie. Ses vues embrasaient la domination de toute l'Italie, mais il échoua en Toscane. Il reparaissait en armes contre Florence lorsqu'il mourut. 1414. Naples, Jeanne II et Alphonse d'Aragon. Jeanne II lui succéda. Plus dissolue encore que Jeanne Ière, elle se livra à toutes sortes de débauches et d'excès, elle laissa gouverner ses favoris. Elle vit bientôt surgir un prétendant dans la personne de Louis III d'Anjou, fils de Louis II. Elle appela à son secours Alphonse V, roi d'Aragon, et, n'ayant pas d'enfant, l'adopta pour son fils et successeur. Alphonse possédait déjà en Italie la Sardaigne, soumise depuis un siècle à sa maison, et la Sicile, qui, après l'extinction de la dynastie aragonaise locale, 1409, avait été réunie à l'Aragon. Dans cette guerre, la fortune fut favorable à Alphonse. Il entra victorieux dans Naples, et il prétendait y agir en maître. Mais alors Jeanne, jalouse de l'ascendant qu'il avait acquis sur ses sujets, révoqua l'adoption et adopta pour son fils Louis III d'Anjou. La guerre civile se ralluma. On y vit figurer les deux célèbres condottieri, Muccio Attendolo Sforza et Braccio de Montone, qui moururent tous les deux en 1424. Le parti des Anjou fut victorieux, d'autant plus facilement que les événements d'Espagne obligèrent Alphonse à retourner dans son pays. Louis III fut nommé régent en Calabre, tandis que Jeanne II continuait à régner, menant la vie la plus déréglée. Elle mourut en 1435. Alors, Alphonse revint en Italie avec une armée, et après une longue lutte contre le roi René, frère de Louis III, réussit à conquérir le royaume de Naples. Milan et Venise lutte pour la suprématie dans le bassin du Pô. Philippe-Marie Visconti, duc de Milan, l'un des deux frères de Jean Galéas, avait pu, après la mort de son frère Jean-Marie, assassiné en 1412, reconquérir une grande partie des anciennes possessions de son père. Dans cette entreprise, il avait été efficacement aidé par l'illustre condottiere François Boussonne, surnommé Carmagnola, du nom de sa ville natale en Piémont. Philippe ne tarda pas à se méfier du Carmagnola, qui prit son congé et passa au service de la maison de Savoie, puis au service de Venise. Venise ne se contentait plus de ses possessions en Orient et tendait à se former un vaste état dans la terre ferme italienne. Cette nouvelle politique, qui avait prévalu définitivement dans le Grand Conseil, fut poursuivie avec courage et persévérance. La République, qui possédait déjà Padoue, Vicence et Vérone, avaient pour voisin limitrophe le Visconti, avec qui elle ne tarda pas à se trouver en conflit. Carmagnola, nommé capitaine général de l'armée vénitienne, prit d'assaut Brescia et mit en déroute à Macclodio l'armée du Visconti. Dans la suite, la conduite de ce capitaine provoqua également les soupçons des Vénitiens. Le Conseil des Dix l'appela à Venise sous le prétexte de délibérer sur les plans de campagne, le fit arrêter et décapiter sur la Piazzetta de Saint-Marc, 1432. La guerre entre Venise et Milan continua. Plusieurs autres États y intervinrent. Les affaires s'embrouillèrent encore par les ambitions personnelles de divers condottieri et particulièrement de François Sforza, fils de Muzio Attendolo. Milan, François Sforza. Ce hardi politique se proposait de maintenir l'équilibre entre le duc de Milan et les républiques de Venise et Florence, et par là, de se rendre nécessaire à tous les partis. La guerre durait encore quand Philippe-Marie mourut, sans laisser de postérité mâle, 1447. Les prétendants à cette succession étaient en grand nombre, mais les Milanais profitèrent de cette circonstance pour proclamer la République, qui fut nommée Ambroisienne, du nom du saint protecteur de la ville. François Sforza feignit d'abord d'oublier ses droits à la succession, comme mari d'une fille naturelle de Philippe-Marie. Il se mit au service de la République Ambroisienne contre Venise. Mais peu après, tout à coup, il fit la paix avec Venise et dirigea ses forces sur Milan. La ville résista jusqu'à la dernière extrémité, quoique Sforza fût parvenu à s'y former un parti. Enfin, un tumulte populaire précipita le dénouement. La multitude chassa les magistrats et ouvrit les portes à Sforza, qui fut acclamé duc, 1450. Dans ces 3 ans de vie turbulente et agitée, plusieurs parmi les Milanais avaient jeté leur regard sur Ludovic, duc de Savoie, frère de la veuve du duc Philippe-Marie. Ludovic, sans être assez modeste pour savoir rester en paix, ne fut pas assez prompt à se décider. Il ne fit marcher son armée sur Milan que lorsqu'il n'était plus temps. C'est avec lui que commence une période de décadence pour cette maison de Savoie qui avait eu tant de renom sous son père, Amédée VIII. Amédée VIII de Savoie. Celui-ci avait obtenu par l'empereur, en 1416, le titre de duc de Savoie. 2 ans après, la ligne des princes d'Achaïe s'étant éteinte, il avait réuni sous sa domination toutes les anciennes possessions de sa maison. Il les avait encore agrandies par les armes et par les négociations. Pour unifier ses états, il avait publié un statut général ou code de loi auquel tous, barons et communes, devaient obéir, et qui renforçait le pouvoir souverain. En 1434, il s'était retiré dans l'ermitage de Ripaille, sur le lac de Genève, laissant l'administration à son fils Ludovic. On a vu plus haut son aventure pontificale, sous le nom de Félix V. Les papes, Nicolas V. On verra plus loin les services que Nicolas V rendit à la civilisation renaissante. Un autre humanisme romain, Étienne Porcari, fut un des plus renommés conspirateurs de cette époque si fertile en complot. Il rêva de faire revivre à Rome l'ancienne République et groupa des conjurés pour s'emparer du pape et des cardinaux. Mais le complot fut découvert et Porcari fut condamné, avec ses complices, à être pendu. 1453. Quand se répandit en Europe, cette même année, la nouvelle de la prise de Constantinople par les Turcs, le pape essaya d'user de son influence pour faire cesser toute guerre dans cette Italie qui se trouvait si directement menacée. En 1454, il fut signé entre Milan et Venise la paix de Lodi, à laquelle ne tardèrent pas à adhérer presque tous les autres États de la péninsule. Les plus puissants décidèrent même de s'unir, pour une période de 25 ans, dans une ligue offensive et défensive, sous la direction de François Sforza et de Côme de Médicis, depuis longtemps liés par une vive amitié. Florence, Côme de Médicis. Par l'astuce et par la bienfaisance, toujours généreux et magnifique, les Médicis s'étaient peu à peu formés dans Florence un grand parti, et sans que personne s'en doutât, avaient fini par devenir les maîtres de la ville. Côme, sans avoir le titre de prince, fut pendant 30 ans, 1434-1464, non seulement le premier citoyen de Florence, mais le vrai maître de la République, qui dominait alors la plus grande partie de la Toscane, et parmi ses possessions comptait Pise, son ancienne rivale. Fin de la section 44.